Marius était le fils d'un soldat devenu colonel à Waterloo, Monsieur Pommerci. Sous l'Empire, entre deux guerres, il avait trouvé le temps d'épouser Mademoiselle Gillenormand. En 1815, Madame Pommerci était morte, laissant un enfant. Cet enfant eût été la joie du colonel dans sa solitude, mais l'aïeul avait impérieusement réclamé son petit-fils, déclarant que si on ne le donnait pas, il le déshériterait. Le père avait cédé, dans l'intérêt du petit. Il était expressément convenu que Pommerci n'essaierait jamais de voir son fils ni de lui parler, sous peine qu'on le lui rendît chassé et déshérité. Pour les Gillenormand, royalistes, Pommerci était un pestiféré. L'enfant savait qu'il avait un père, mais rien de plus. Personne ne lui en ouvrit la bouche. Cependant, dans le monde où son grand-père le menait, il en vint peu à peu à ne songer à son père qu'avec honte et le cœur serré. Pendant qu'il grandissait ainsi, tous les 2 ou 3 mois, le colonel s'échappait, venait furtivement à Paris et allait se poster à Saint-Sulpice à l'heure où la tante Gillenormand menait Marius à la messe. Là, tremblant que la tante se retournât, caché derrière un pilier, immobile, n'osant respirer, il regardait son enfant. Ce balafré avait peur de cette vieille fille. De là même était venue sa liaison avec le curé de Vernon, monsieur l'abbé Mabeuf. Et le curé arriva à savoir comment Pommerci sacrifiait son bonheur à l'avenir de son enfant. 2 fois par an, au 1er janvier et à la Saint-Georges, Marius écrivait à son père des lettres de devoir que sa tante dictait. Et le père répondait des lettres fort tendres que l'aïeul fourrait dans sa poche sans les lire. Le monde de Madame de T était tout ce que Marius Pommerci y connaissait du monde. Que faisait-on dans le salon de Madame de T? On était ultra, c'est-à-dire plus royaliste que le roi Louis XVIII lui-même. C'était la France d'autrefois. Marius Pommerci fit comme tous les enfants des études quelconques. Puis il rentra à l'école de droit. Il était royaliste, fanatique et austère. Il aimait peu son grand-père, dont la gaieté et le cynisme le froissaient. Et il était sombre à l'endroit de son père. C'était du reste un garçon ardent et froid, noble, généreux, fier, religieux, exalté, digne jusqu'à la dureté, pur jusqu'à la sauvagerie. En 1827, soumis par son grand-père d'aller à Vernon voir son père, il arriva trop tard. Son père venait de mourir. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius. Il y avait ceci, écrit de la main du colonel. « Pour mon fils, l'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la Restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne. » Derrière, le colonel avait ajouté « À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelait Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait une petite auberge dans un village des environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. » En 2 jours, le colonel avait été enterré et en 3 jours oublié. Marius avait un crêpe à son chapeau. Voilà tout.